Jak bardzo. Je viens de recevoir un comme c'est un peu malade, je sais pas, il y a là-bas, c'est bien, il y a plus de monde. Oui, oui. Ici, il y a un peu... C'est la... Mais je le tue, moi. Pas souvent ici. Pense, oui. Il oui. Attends, moi, j'ai joué 3 temps en rouge, j'arrive plus. Non, ne va pas. C'est pas le sac de glace, moi. Pas... Tu mets là-bas, on le met dans le sac, on le met là-bas. Dans le sac, il y a quoi qui suffit. Tu relèves le sac, tu le mets par terre, tu le mets là. Tu enlèves le sac, tu la Monsieur, bonjour. Vous avez des belles petites soles, là, 15 euros, les 2,28 kg. Magnifique. Allez, profitez, là. Vous avez des chocos vivants. 14 euros. Ils n'arrêtent pas, hein, ils n'arrêtent pas. De quoi? Mais non, non, non, là oui par contre. Ils sont à combien les turbos? 20 ou 18? 18. 18 aussi. Là oui par contre. Ah, regardez, j'en ai un là, Est-ce que vous les voyez comme ça?